Aya miso nangai Elise Olis Seko tanga tanga na tanga Soki kwe ya kesi kamoko Mele salali ziva biju Je suis resté seul ngai moko Yo e pa yo kende obosa nangai Loko la obosa na bibero Omela kitango sala ki bebe Tu n'es pas seul, aux alliés, au mon côté, au bijou. Maman, beaucoup, et mouton, les yeux dans les yeux. Oh, mais la femme a sans la coupe, mon corps. Tu vois comme mon conseil. Jerry Dialoumane. Passa. le moni. Oh commandant. Sexe. Na tati a le moni.